Images arrachées à Sylvia Plath. Feuilleton en 5 épisodes proposé par Béatrice Leca. Une réalisation de Michel Sidorov. 3e épisode. Lettre d'amour. Pas facile de formuler ce que tu as changé pour moi. Si je suis en vie maintenant, j'étais morte alors. Bien que comme une pierre, sans que cela ne m'inquiète. Et je restais là sans bouger, selon mon habitude. Tu ne m'as pas simplement un peu poussé du pied, non. Ni même laissé régler mon petit œil nu à nouveau vers le ciel, sans espoir évidemment de pouvoir appréhender le bleu ou les étoiles. Ce n'était pas ça. Je dormais, disons, un serpent, masqué parmi les roches noires, telle une roche noire se trouvant au milieu du hiatus blanc de l'hiver. Tout comme mes voisines, ne prenant aucun plaisir à ce million de joues parfaitement ciselées qui se posaient à tout moment afin d'attendrir ma joue de basalte. Et elle se transformait en larmes, ange versant des pleurs sur des natures sans relief. Mais je n'étais pas convaincue. Ces larmes gelaient. Chaque tête morte avait une visière de glace. Et je continuais de dormir, repliée sur moi-même. La première chose que j'ai vue n'était que de l'air et ces gouttes prisonnières qui montaient en rosée, limpides comme des esprits. Il y avait alentour beaucoup de pierres compactes et sans aucune expression. Je ne savais pas du tout quoi penser de cela. Je brillais, recouverte d'écailles de mica, me déroulais pour me déverser tel un fluide parmi les pattes d'oiseaux et les tiges des plantes. Je ne m'y suis pas trompée. Je t'ai reconnue aussitôt. L'arbre et la pierre scintillaient. Il n'avait plus d'ombre. Je me suis déployée, étincelante comme du verre. J'ai commencé de bourgeonner tel un rameau de Mars. Un bras et puis une jambe, un bras et encore une jambe. De la pierre au nuage, ainsi je me suis élevée. Maintenant, je ressemble à une sorte de dieu. Je flotte à travers l'air, mon âme pour vêtement. Aussi pur qu'un pain de glace. C'est un don. It was in July 50. I was sitting at my door. My frustrations and doubts, and put it into my hair. Launching a Nabokovian play. Launching a Nabokovian play. En 1956, Sylvia Plath part étudier en Angleterre au Newnham College de l'Université de Cambridge. Elle y rencontre un jeune poète anglais, Ted Hughes. La rencontre est une évidence pour les deux. Ils se marient quelques mois plus tard. Première vision, première instantanée, unique, irrévocable, fixée dans un flash, plus grande que jamais ensuite, si mince, te balançant. C'était comme si tes jambes d'américaine, longues, parfaites, n'en finissaient pas. Cette main s'ouvrant toute grande, ses longs doigts, ceux d'une danseuse ou d'un singe, je t'ai vu là plus radieuse, plus réelle que pendant toutes les années qui ont suivi. Comme si je t'avais vu cette fois-là seulement, et plus jamais. Tes cheveux flottant librement, ce rideau tendu sur ton visage, ta cicatrice et ton visage, une balle de caoutchouc, une boule de joie, autour de ta bouche rieuse aux lèvres d'africaine, peintes en rouge, rouge sombre, épais, et tes yeux serrés, perdu dans ton visage, un faisceau de diamants, incroyablement brillant, brillant comme un faisceau de larmes. Des larmes de joie peut-être, un concentré de joie. Tu avais l'intention de m'abasourdir avec ta vivacité. Du reste de cette soirée, je ne me souviens de rien, ou presque. Je me suis échappé avec ma petite amie, de rien, sinon de sa fureur près d'une porte, et de ses questions sur ton foulard bleu dans ma poche, et l'empreinte de tes dents, un arc de cercle enflé, qui allait marquer mon visage un mois durant, et moi, pour toujours. Ted Hughes, Birthday Letters. Quand puis-je vous revoir ? Guérie de sa fièvre, elle se tenait debout, le pied victorieusement posé sur un bras de pierre potelée. Prenez bien garde, ma gargouille déchue, mon prince des cailloux. Je travaille à Londres. Quand ? J'ai des obligations. Les murs se resserrèrent. Chaque particule de bois, chaque particule de verre ayant retrouvé sa place. Dans l'autre pièce, les quatre vents sonnèrent la retraite, la défaite, et regagnèrent en sifflant leur tunnel enfoui dans les profondeurs de ce monde couvert d'océan. Oh, quel vide! Quel vide! Quel vide dans la pierre creuse! Léonard se pencha pour goûter son dernier souper. Elle attendit. Elle attendit contemplant la joue blanche du garçon avec sa tache vert de gris qui passait près de sa bouche. Ses dents s'enfoncèrent. Elles ne lâchèrent pas. Dodie sentit du sel tout chaud, qui lavait les papilles de sa langue. Ses dents se serraient comme un étau. Une douleur au loin prit naissance à leurs racines. Notez cela, notez cela. Mais il se dégagea. Il la plaqua contre la matière solide et dense de la cloison. Ses dents se refermèrent sur le vide. Pas une seule parole, mais un dos noir qui se tournait, diminuait, diminuait encore et s'éclipsait par une porte subitement apparue. Les particules de bois reformèrent un plancher régulier, et le monde fut remis sur pied, mais pas le monde qu'il fallait. L'air afflua, remplissant le vide que la forme de Léonard avait laissé. Mais rien ne vint remplir le vide qu'on lisait dans le regard de Dodie. Derrière la porte entr'ouverte, on entendait une foule de ricanements et de chuchotements. Au milieu des nuées de fumée qui s'infiltraient par l'entrebâillement, Hamish surgit, l'air concentré, derrière un masque miroitant de caoutchouc rose. « Est-ce que tu vas bien ?»« Bien sûr que je vais bien. »« Je vais chercher ton manteau. On s'en va maintenant. » Hamish repartit. Un garçon de petite taille, qui portait des lunettes et un morne costume de teinte moutarde, émergea précipitamment d'un trou dans le mur pour se rendre aux toilettes. Alors qu'elle était adossée à la paroi, il la regarda avec insistance. Et Dodie sentit la main qu'elle avait appliquée sur sa bouche se contracter soudain comme celle d'un tétanique. « Je peux aller vous chercher quelque chose ?» Une étrange lueur dansa dans l'œil du garçon. La même lueur qui anime le regard des gens lorsqu'il se produit un grave accident de la circulation et que la chaussée se couvre de grosses flaques de sang. La fascination qu'il manifestait. Des arènes remplies de regards curieux. « Mon sac à main, » répondit Dodie sans se troubler. Je l'ai laissé derrière le rideau sur le rebord de la première fenêtre. Le garçon sortit. Vêtu de sa toge noire où pendillait un morceau de crêpe, Hamish apparut avec le manteau rouge de Dodie. Docile, elle y enfila ses bras. Mais son visage écorché, dévasté, la brûlait affreusement. « Il y a un miroir quelque part ?» Hamish le lui indiqua. Un rectangle de verre embué et fêlé était accroché au-dessus de l'évier jadis blanc, que 100 ans de vomissures et de taches d'alcool avaient jauni. Elle s'approcha du miroir et un visage fatigué qu'elle connaissait bien, avec des yeux marrons un peu vagues et la joue gauche couturée d'une cicatrice brune, la rejoignit en nageant à travers le brouillard. Il n'y avait pas de bouche sur ce visage. L'emplacement de la bouche était de la même couleur jaunâtre que le reste de la peau, et on en devinait les contours de la même façon que pour une sculpture grossièrement ratée, grâce aux ombres apparaissant sous les parties saillantes et renflées. Le garçon, debout à côté d'elle, lui tendait un sac en cuir marron éraflé. Dodie s'en saisit. Avec son tube de rouge, elle redessina la forme de ses lèvres, et leur couleur revint. « Merci », dit-elle en souriant au garçon avec sa bouche rouge toute neuve. « Occupe-toi de moi maintenant », demanda-t-elle à Hamish. « J'ai été un peu dégueulasse. Tu es très bien. » Mais tout le monde ne serait pas de cet avis. Hamish ouvrit la porte, la pièce principale. Aucun regard scrutateur, un ensemble de dos tournés, de visages inclinés. On distinguait encore sous les bavardages les notes désinvoltes du piano. Les gens riaient énormément à présent. À côté du piano, Léonard, voûté, tenait un mouchoir blanc contre sa joue gauche. Grande, pâle, Dolores Cheryl Iris, avec ses taches de rousseur de lys tigré, élevait une main gracieuse pour l'aider à éponger le sang. « C'est moi qui ai fait ça », déclara Dodie dans le vide. Mais l'obligation s'en mêla, narquoise, les obligations. Il faudrait une bonne semaine avant que l'eau savonneuse ne fasse disparaître ce cercle de petits trous. Dodie Ventura. Prenez bien garde à moi. Prenez bien garde. Grâce à Hamish et à son attitude protectrice dénuée de toute colère, elle atteignit la sortie sans recevoir la moindre pierre. Elle ne voulait pas partir, mais elle partait quand même. Entamant la descente de l'étroit escalier aux multiples virages, elle vit Adèle qui s'avançait vers elle, le visage encadré de ses magnifiques cheveux blonds, ouvertes, franches et inviolables, comme un nénuphar. Cette blondeur nordique, parfaitement pure, parfaitement naturelle. Couverte d'hommes, et pourtant virginale, son seul physique constituait un reproche silencieux, au même titre que la présence d'une nonne. Oswald la soutenait, et derrière lui, marchant d'un pas énergique, venait Atherton, un grand garçon godiche aux tendances dépressives. Oswald, qui cachait son grand front luisant d'homme de Néandertal derrière une mèche de cheveux gras, regarda attentivement Dodie à travers ses lunettes en écaille. « Parle-nous un peu de structure osseuse, Dodie. » Distinctement, dans la lumière que ne devaient fournir que les instants à venir, elle les vit, tous les trois ensemble, entrés dans la pièce où l'on ne parlait que de son numéro, où l'on proposait de multiples versions et interprétations de son geste, qui, avant demain, comme la cicatrice brunie sur sa joue, l'aurait stigmatisé de par tous les collèges et toute la ville. Les mères s'arrêteraient à Market Hill pour la montrer du doigt à leurs enfants. « C'est la fille qui a mordu le garçon. Il est mort le lendemain. » Vois, vois comme les chiens aboient. Dimanche 26 février. Un tout petit mot après une grosse orgie. C'est le matin, gris, vraiment sobre, avec des yeux blancs et froids de puritain et qui me regardent. Hier soir, je me suis saoulée, une cuite absolument superbe, et maintenant, après 6 heures à dormir chaudement comme un bébé, me voilà plombée avec Racine à lire et pas même l'énergie de taper à la machine. Ça doit être le délirium très mince. Ou autre. Hamish est venu en taxi, et il y a eu un moment fastidieux où on était debout, appuyé contre le bar chez Miller's, avec un type courtois au grand sourire édenté, du nom de Misen, qui essayait d'être irrésistiblement fin en faisant des remarques profondes et irrésistibles à propos de rien. Hamish est pâle, rose, avec des yeux bleus clairs. J'ai vidé sans faillir les verres de whisky décorés d'écossais rouge et or, l'un après l'autre, et lorsque nous sommes partis une heure plus tard, je me suis sentie entièrement envahie par cette force qui fait avancer dans l'air comme si on nageait, avec courage et aisance. Falcon's Yard. La pavane syncopée d'un piano au premier étage. Et c'était vraiment très bohème. Les garçons en col roulé, et les filles avec des paupières bleues comme leurs yeux, ou très élégamment vêtues de noir. Derek était là, avec sa guitare, et Bert avait l'air fier et rayonnant comme s'il venait de mettre 5 enfants au monde. Il a vaguement parlé d'avoir beaucoup bu, ce qui était évident, et a entrepris de raconter comment Luke était devenu satanique après que nous avions lu de la poésie dans la revue Saint Botolph, et s'était mis à hurler. Le satanique Luke, complètement saoul, avec un stupide sourire satanique sur son visage pâle, des favoris sombres et les cheveux décoiffés, un pantalon trop grand à carreaux noirs et blancs et une veste large et ballante, dansait le jive, cette danse anglaise lente et délirante, avec une fille habillée de vert, les cheveux et les yeux très noirs, et un genre lutin. Et quand la danse a été finie, Luke l'a poursuivi dans toute la pièce. Dan Hughes était très pâle. Effroyablement pâle et parsemé de taches de rousseur. Et moi, j'ai fini par prononcer mon immortelle première phrase, que je n'ai jamais oubliée depuis son compte-rendu astucieux, mais oblique et hâtif. Est-ce la moitié la pire ou la meilleure? Et lui avait l'air incroyablement trop jeune pour seulement réfléchir sérieusement. Dan Minton, si petit et obscur qu'il faudrait s'accroupir pour lui parler. Et puis Wiseport, petit aussi et très bouclé. Ross, immaculé et sombre. Ils avaient tous les cheveux noirs. À ce moment, j'avais renversé un verre à moitié dans ma bouche et à moitié sur mes mains et sur le sol. Et le jazz commençant à m'entrer dans la peau, je me suis mise à danser avec Luke. Très mal, je le sentais, ayant complètement dépassé la limite, et hurlant des choses sur ses poèmes, tandis qu'il se contentait de sourire avec cet air distant de diable crétin. C'est lui qui avait écrit ses poèmes, et maintenant il leur témoignait une tendresse exagérée. Et moi aussi, radotage et sentimentalisme, sans même l'excuse de les avoir écrits. Je suppose que si l'on est capable d'écrire des sextines qui passent avec fracas à travers règles et vers, après les avoir violées à bon escient, on a le droit d'être satanique et de sourire comme un Belzébuth attardé. Alors le pire est arrivé. Ce grand type sombre avec un air d'Europe centrale, le seul assez immense pour moi, qui avait passé son temps à se pencher sur d'autres femmes et dont j'avais demandé le nom à la seconde où j'étais entrée dans la pièce, mais personne ne me l'avait donné, eh bien, il est venu vers moi, m'a regardé carrément dans les yeux, et c'était Ted Hughes. Je me suis remise à crier à tue-tête à propos de ses poèmes et à citer « Très cher diamant qui ne se peut rayer ». Et colossal, il m'a répondu en hurlant, avec une voix qui aurait dû provenir d'un Polonais, « Vous aimez ?» Et il m'a demandé si j'aimais le brandy. Et je lui ai dit que oui, et on a reculé jusqu'à la pièce d'à côté en passant devant le visage brillant et béat du cher Bert, qui avait l'air d'avoir mis au monde au moins 9 ou 10 bébés. Et clac, la porte s'était refermée et il balançait du brandy dans un verre. Et la dernière chose dont je me souvienne, c'est que j'en balançais à l'endroit où se trouvait ma bouche. Nous hurlions comme par grand vent à propos de la revue. Et il disait que Dan était sûr que j'étais jolie, sinon il n'aurait jamais écrit ça à propos d'une estropiée. Et dans mes hurlements de protestation, revenait avec une fréquence alarmante la phrase « coucher avec le rédacteur en chef ». Et puis il y a eu un moment où je disais que j'étais là, complètement là, et j'insistais en trépignant et en hurlant. Et lui, il avait des obligations à remplir dans la pièce à côté, et il travaillait à Londres, gagnant 10 livres par semaine en espérant bientôt 12. Et je trépignais, et lui aussi. Et puis, crac, il m'a embrassée en plein sur la bouche et arraché mon serre-tête. mon ravissant serre-tête foulard rouge, qui a connu le soleil et beaucoup d'amour, et que je ne pourrai jamais remplacer. Et mes boucles d'oreilles en argent préférées. « Ha ! Je les garde !» a-t-il aboyé. Et quand il m'a embrassée dans le cou, je lui ai mordu la joue, violemment et longuement. Et quand nous sommes sortis de la pièce, son visage ruisselait de sang. Son poème, « Je l'ai fait, moi ». Tant de violence, et je comprends pourquoi les femmes se couchent pour les artistes. Le seul homme dans la pièce qui était aussi grand que ses poèmes, immense, des tronçons de mots massifs et dynamiques, ses poèmes sont forts et tonitruants comme un grand vent soufflant dans des poutres d'acier. Et je hurlais intérieurement, « Oh, je pourrais me donner à toi en un combat violent, le seul homme de toute ma vie qui pourrait éliminer Richard. » Je ne le reverrai jamais. Et les limites épineuses de cette rencontre se présentent en rang serré comme les pics sur le portail de Queens hier soir. De toute manière, je ne pourrai jamais passer la nuit avec lui, avec ses amis qui sont là, et ils sont tous si proches, à rire et parler. Je serai la prostituée universelle, en même temps que la catin du Rogers. Je ne le verrai plus, il ne cherchera pas à me voir. Il a dit mon nom, Sylvia, en me flanquant dans l'œil un regard sombre et caustique. Et j'aimerais bien, juste une fois, pouvoir mesurer ma force à la sienne. Mais il ne viendra pas. Et la blonde pure à l'air suffisant, qui a ses faveurs, a jeté un regard, était-ce de pitié ou de dégoût, à la souillon ivre et amorphe que j'étais hier. Mais Hamish a été très gentil. Il se serait battu pour moi. Il a retiré une sorte de gloire de m'avoir entraînée loin de ces monstres, et il a dit que je méritais qu'on se batte pour moi, que j'avais été gentille avec lui. La blonde entrait comme nous sortions. Et Oswald a dit, à sa manière sèchement sarcastique, quelque chose comme « Dites-nous tout sur la structure osseuse ». Et comme j'avais perdu mon gant rouge à la dernière soirée à Saint John, j'ai perdu cette nuit le bandeau rouge que j'aimais de tout le rouge de mon cœur. En un sens, ces nuits de débauche me donnent l'envie passionnée, monacale, d'écrire en me retirant du monde. Je vais me retirer du monde. Je ne veux sortir avec personne, parce que personne n'est Ted Hughes, et je n'ai jamais laissé un homme se moquer de moi. Hamish a dit que c'était des imposteurs, qu'il est le plus grand séducteur de Cambridge. Alors écrire et changer? Toujours je m'empare de l'écriture et je la mets devant moi pour me défendre, contre le flux, les visages identiques. Il a dit mon nom, Sylvia, dans un vent violent qui s'est engouffré dans le désert derrière mes yeux, derrière les siens. Et ses poèmes sont habiles, terribles et magnifiques. Lundi 27 février. En bref, vraiment en bref. Dormi tard ce matin. Réveil dans l'obscurité à 11h30. Sentiment d'être molle et nulle, mais opiniâtre. Déterminée à me délester de toutes mes obligations pendant 2 jours pour récupérer. Cette fatigue me suce les veines comme des sangsues. Cela me demande un plus grand effort d'écrire des mots d'excuse que de me traîner au cours. Mais après le déjeuner, j'ai affronté Miss B, mis un pantalon et mon pull en velours préféré à dessin cachemire pour me sentir mieux. J'ai écrit un poème d'une page entière sur les noires forces du désir. Pursuit. Pas mal. Dédié à Ted Hughes. C'était « Pages arrachées » à Sylvia Plath, feuilleton en 5 épisodes, proposé par Béatrice Leca, avec Élodie Hubert, Flora Brunier, Stéphanie Schwarzbrot, Nicolas Struve. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Pierre Henry. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.